ghettos, que les ghettos qui trappent. Yeah. Les anciens compris perpètre recherchent un repère. Un Didi, sa tête, tu sais qu'il est bien sincère. Fais du rap de brave, original, pas ce qu'on gratte. Yeah. Grave des morceaux, que les ghettos qui grattent. Yeah. Les anciens compris perpètre recherchent un repère. Un Didi, sa tête, tu sais qu'il est bien sincère. Je reste opérationnel, en vrai, pas en virtuel. À temps complet, pas en partiel. Le forfait essentiel, du potentiel, il en faut. En qualité, en défaut. On reste vrai dans ce qu'on dit et laisse de côté les faux. Ce que le ghetto kiffe, c'est cela jouer furtif. Pendant les vérifs, insulter le shérif. Tu la marches ou sinon tu te feras marcher dessus. Crois pas que les couilles s'achètent en faisant du jujitsu. Trop spectaculaire, pas qu'un simple titulaire. Celui qui veut test aura que sa tête avec sous mes bulles d'air. Je vais m'intégrer comme Roselmark, voir un black qui se démarque. Tout niquer sans sus et laisser ceux qui jactent et qui nous narquent. J'ai que d'avance et mon produit se développe. D'autres font que reculer et collectionnent tous les flops. C'est mon opinion, tu sois moche ou mignon. Tous les environs et mes hommes de Cro-Magnon. Du rap de brave original, pas ce qu'on grappe. Yeah. Grave des morceaux que les ghettos qui grappent. Yeah. Les anciens compris perpètre recherchent un repère. Un Didi, sa tête, tu sais qu'il est bien sincère. C'est du rap de brave original, pas ce qu'on grappe. Yeah. Grave des morceaux que les ghettos qui grappent. Yeah. Les anciens compris perpètre recherchent un repère. Un Didi, sa tête, tu sais qu'il est bien sincère. Ok, ok. Chromatise.